cours numéro 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal udwana illa ala al-zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. قال الشيخ سعدي رحمه الله ما أعظمها من عبر ولو أن القلوب واعية أي في الدرس الماضي on a lu une partie de هذا الفصل المهم والشيخ سعدي رحمه الله il a mis en garde contre هذه الحضارة والمدنية أي cette civilisation que الكفار mettent en avant qui rejette toutes les religions et qui combat plus précisément l'islam, et tu trouves بعض المسلمين اغتروا بهؤلاء. خاصة ce point que le Cheikh il a cité رحمه الله فيما يتعلق بالعلم العلوم الدنيوية أي ces sciences que Allah subhanahu wa ta'ala il leur a facilité, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans les technologies concernant l'armement ou les communications, etc. Les êtres humains, ils ont atteint un niveau très très avancé. Et tout ça, c'est bi fadlillahi azza wa jal. Et ha'oula, au lieu d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et se soumettre, qui c'est qui leur a facilité hadhil ulum? Et c'est ça le Burhan. Et c'est pour ça que le Cheikh, rahimahullah, il a cité ce point via le kitab, al-barahin al-aqliya. Il y en a cet être humain qui ne savait rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé à partir d'un liquide. Thumma ta'allam. Tout ça, c'est bifadlillah azza wa jal. Qui c'est qui lui a donné la vue? Qui c'est qui lui a donné l'ouïe? Qui c'est qui lui a donné toutes ses capacités de se déplacer, ce cœur pour réfléchir? Il a akhri, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ahada, quand ils atteignent un certain niveau, yatakabbaroun, ils rejettent la vérité, ils s'enflent d'orgueil et ils attaquent la religion au nom de cette science que Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité. فلهذا ذكر قول الله عز وجل يعلمون الظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا même ces علوم ces sciences que l'être humain il a acquis et il a découvert dans certaines choses il a arrêté c'est limité جدا لكن c'est des choses par rapport à الدنيا ces sciences elles leur ont fait oublier ما هو أعظم بل l'objectif de chaque être humain les comptes yawm al-qiyamah. Cette dunya, c'est qu'un passage. Et ce passage, l'être humain, il doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فَهَؤُلَا قَالَ عَنْهُمْ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Ils ont oublié l'akhira. لماذا? À cause de هذه الدنيا. فَقَالَ الشَّيْخ مَا أَعْظَمُهَا مِنْ عِبَرْ وَلَوْ أَنَّ الْقُلُوبُ وَاعِيَة هذه سيد عبر مواعظ دروس عظيمة pour le mu'min et c'est des rappels des exhortations des leçons pour chaque croyant لكن le croyant qui a هذا القلب القلوب واعية et ce cœur il n'a pas été touché par l'insouciance ce cœur il ne pense pas qu'à dunya ce cœur walillahi alhamd il est réveillé ce cœur il est vivant بإذن الله عز وجل il comprendra tous ces points. Mais celui qui est attiré que par dunya, il donnera de la valeur à ceux qui donnent de la valeur à cette dunya. C'est pour ça que tu trouves Adan Nas, à cause de leur faiblesse de foi, ils donnent de l'importance aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Limada, liyanahum, ils ont acquis des connaissances dans telle science, min ulum al-dunya. Et ils donnent aucune valeur à ceux qui font des efforts fi ulum al-tihniya. Allez, on a le musiba. Il est là le problème. قال وما أدلها على كمال عدل الله وحكمته لو أن الفهوم صالحة كذلك الفهوم هنا c'est le pluriel de فهم بعض الناس ils ont une mauvaise compréhension ils ne connaissent pas les fondements de leur dîn ils ne connaissent pas les objectifs المقاصد العقيدة la croyance du mu'min enfin ils n'arrivent plus à comprendre ils ne connaissent pas الحكمة Il y en a leur compréhension, elle est fondée que sur le madda ou dunya. Tout est fondé sur le dunya. Enfin, ils n'arrivent plus à comprendre kalam Allah Azza wa Jal et kalam Rasuli alayhi salatu salam et kalam Ahl al-Ilm. Qala walakin al-qulub ghutiyat bi-aghshiyati al-ghafla wal-kibriya wal-igtirar. il a cité trois voiles. Pourquoi beaucoup de personnes, elles n'arrivent plus à comprendre. لماذا لأن السكر إلي فوالي par trois voiles. قال بأغجية الأغجية c'est un voile. الغفلة l'insouciance. الكبرياء l'orgueil ou l'اغترار. أي ce cœur, cette personne elle est impressionnée tartare par هؤلاء الكفار qui ont atteint un certain niveau dans les sciences de ce baron. فحذر من الغفلة. الغفلة tu combattras cette insouciance avec dhikr, avec la science. Al-kibriya, l'orgueil, tu le combattras kadhalik avec une bonne croyance. Tu es un être humain, tu seras jugé. Cet orgueil, ça sera d'aucune utilité. Accepte la vérité, c'est pour toi. Celui qui rejette la vérité, il se fait que du mal. Un mal orgueil, ça va te changer quoi. L'orgueil, c'est ce qui a poussé Iblis à sa perte, Shaitan à sa perte. Et Yom al-Qiyamah, quand il sera jeté dans le feu, ça sera d'aucune utilité pour lui. Al-Irtirar, le fait d'être impressionné, se faire leurrer par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré leur connaissance dans le dunya, hada bi-idhnillahi azza wa jal, tu le combattras, hada al-Irtirar, et tu le repousseras de ton cœur en étudiant la voie des salaf, en étudiant la biographie du prophète, alayhi salatu wa salam, en étudiant le Coran. أن الكافر سنين من الله. Pourquoi tu t'attardes به? Pourquoi tu es impressionné? الكافر malgré qu'ils ont atteint un certain niveau dans certaines choses, une prosternation, ils ne veulent pas se prosterner لله عز وجل. Ils ne veulent pas reconnaître que le prophète صلى الله عليه وسلم c'est le messager d'Allah عز وجل. Ils ne veulent pas reconnaître que هذا القرآن que tu aimes tant أخي المؤمن أنه c'est la parole d'Allah. فلماذا t'attardes به? Le kafir ne lui donne aucune importance. Il ne mérite pas. قال والنفوس أقبلت على الأمور الضارة وقد خلبتها المناظر البراقة وسحرت الأبصار. نعم. لماذا؟ لأن الإنسان il est attiré par la dunya. Enfin, certaines choses qui lui font du mal, l'être humain il est attiré par cette chose. تأمل. Une chose qui nous fait du mal. Et أحيانا on sait que ça nous fait du mal, لكن on est attiré par cette chose. لماذا؟ Ça, c'est à cause de la foi. La foi, si elle est faible, même des choses qui font du mal, et on sait que ça fait du mal, probablement on a du mal à s'en écarter. قال, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا وَقَالَ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. تأمل ce dernier verset. On ne peut pas tout expliquer, ça prendrait beaucoup de temps. لكن ces trois versets, les a cités pour هذا القصد, هذا المعنى. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Quand ils ont oublié pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Et l'adoration. Se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, suivre ses messagers. Quand ils se sont écartés عن هذا, à cause de ces sciences ou autres, مهم. La principale cause, c'est ce bas monde. Ils ont oublié l'au-delà. Et ils œuvrent, ils agissent que pour ce bas monde. قال عز وجل فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلا تغتر بالكفار. Quand ils se sont écartés du dîn, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a ouvert les portes. Vous avez remarqué que les kuffars, ils ont beaucoup avancé dans la médecine par rapport aux croyants, par rapport aux pays musulmans. Ils ont beaucoup avancé dans la technologie, ils ont beaucoup avancé dans l'armement, dans le domaine des communications. Leur pays, il est avancé beaucoup en général dans l'agriculture. Il a akhiré. Et en résumant, leur pays a beaucoup plus de confort. Ils sont en général beaucoup plus riches que les pays musulmans. قال عز وجل تأمل هذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert les portes. لماذا لأنهم Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour le dunya. Ils ont oublié l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a ouvert les portes de ce bas-monde. Et profitez. Profitez. Vous voulez que ce bas-monde, vous avez oublié l'essentiel. Profitez. Combien de temps ils vont profiter? Combien? 50, 100 ans. Maximum 100 ans. ثم قال عز وجل حتى إذا فرحوا بما أوتوا. Quand ils sont contents, ils sont heureux de leur situation. Al-Kufar, ils sont heureux. Un homme, ils pensent qu'ils sont civilisés par rapport aux autres. Ils ont du kibr. Ou à ratra ça par rapport aux autres. Ils rabaissent les autres. وفرحوا بما أوتوا يبنس أنهم سيولي سيفيليزي سيوكي ونكونخي قال عز وجل أخذناهم بغتة. الله سبحانه وتعالى يأخذهم بغتة أي soudainement sans qu'ils s'en rendent compte. Chaque jour هؤلاء beaucoup d'entre eux meurent comme tout le monde. فالله سبحانه وتعالى يأخذهم بغتة قال فإذا هم مبلسون ثم les regrets ثم les tapes dans la tombe, les questions, ils ne pourront pas répondre. Donc, ils seront dans ce trou. Hein, une porte de l'enfer, elle sera ouverte et ils seront châtiés matin et soir. Et on le qiyama encore plus dur et en enfer encore plus dur. Fala tartar. N'oublie pas l'essentiel. Tu n'as pas été créé pour dunya. Tu es un mu'min. Tu es un croyant. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour un objectif précis de l'adorer. Adore-le. Et tu ne pourras pas l'adorer qu'en suivant ses messagers. Enfin, suis ses messagers. Alayhim salat wa salam. قال وأما شهادته تعالى لنفسه بالوحدانية فقد نطقت بذلك جميع الكتب التي أنزلها على رسله وأنطق بها رسله واتفقت على ذلك دعوتهم أي التوحيد أي لنسيتي الله سبحانه وتعالى. قال وتبعهم على ذلك جميع أتباعهم من العلماء الربانيين والهداة وجميع طبقات أهل العلم والإيمان. نعم tous les croyants ils sont d'accord sur ce fondement. شهادته تعالى على نفسه أي par rapport au verset qu'on a lu ensemble le dernier cours. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلى آخر. قال وكذلك أقام على ذلك الشواهد النفسية والأفقية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Tout ça c'est des signes qui prouvent son existence عز وجل et أنه il est unique. Et tout ce qui est lié à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala taqaddam ma'ana kathiran. Qal wal 'alam al 'ulwi wa as-sufli kulluha ayatun bayyinat. Na'am, lianna qui c'est qui a créé ces créatures, la nuit, le jour, le soleil, la lune, etc. C'est le créateur subhanahu, c'est Allah azza wa jalla. Qal wa barahin qati'at 'ala wahdaniyyati khaliqiha wa mudabbiriha wa mutqini sun'iha ومبدعها وبالخلق العجيب والنظام الباهر والحكم التي يعجز الفصحاء والبلغاء عن التعبير والإحاطة ببعض آياتها وبراهينها. نعم toutes ces آيات, tous ces signes, toutes ces créatures que Allah subhanahu wa ta'ala il gère, que Allah subhanahu wa ta'ala il fait évoluer comme il veut, c'est un signe عظيم de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin pour celui qui réfléchit, pour celui qui ne rejette pas la vérité, pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala il guide. قال ومن شهادته تعالى لنفسه بالوحدانية والتفرد بالعظمة والكمال ما عجله لأنبيائه وأتباعه من الآيات والمعجزات والنصر العظيم والكرامات المتنوعة والعواقب الحميدة. هذا تقدم معنا سنسين عظيم أي الله سبحانه وتعالى il a élevé ses prophètes, ses messagers, alayhim as-salat wa salam, et ceux qui les ont suivis. Et kadalik, il a rabaissé leurs ennemis. Kadalik, il a donné, ou il donnera une récompense énorme le jour du jugement. Et kadalik, il les a récompensés, fi dunya, ay, ses prophètes et ses messagers, et ceux qui les ont suivis. Et il a châtié ses ennemis. Tout ça, c'est un signe qui montre l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وما عجله لأعدائهم من الهلاك الخاص والعام والمثلات والأخذات الصوارم والعواقب الوخيمة. هذا تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى il a châtié beaucoup de peuples, il a fait disparaître des peuples, ça montre son existence subhanahu. قال وكذلك ما تركه لأنبيائه وأصفيائه من لسان الصدق والثناء العام المنتشر والمحبة في قلوب الخلق وما لأعدائه من البغض والذم واللعن واللعن المتتابع. كذلك هذا سنسين أن ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les prophètes et les messagers, ils sont cités en bien jusqu'à aujourd'hui. Et c'est des modèles pour beaucoup de personnes. Même si certains ils se sont égarés et ils n'ont pas accepté le message de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. أما لا شك أن الأنبياء والرسل إذن أن نغمرون عند المؤمنين لزنوية الله سبحانه وتعالى كذلك certains ils ne sont plus cités ou s'ils sont cités c'est un mal comme Pharaon et autres parmi les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال كل ذلك آيات بينات على وحدانية الله والصدق رسله. Qui c'est qui a mis cela dans les cœurs des croyants? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre que le Créateur, il existe et qu'il est unique. قال تعالى سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم وقال سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين وقال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فهذا البرهان سان برهان عظيم أن الله سبحانه وتعالى إبلس l'amour de ces prophètes et de ces messagers dans le cœur des croyants, et hakada ses ennemis sont détestés. Qala wa min a'zam al-barahin al-jami'ati bayna kawniha naqliyatan wa 'aqliyatan hissiyya ikhbaru Allah fi kitabihi wa fi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam 'an umur min al-ghayb kathiratin jiddan. Hadha sa burhan wadih jali an Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. وهكذا il a révélé à son prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام dans le sunnah beaucoup de choses qui allaient se passer. Et elles se sont passées. Ça, c'est un burhan wadih. Beaucoup de gens ils se sont convertis via ce sabab. Ils se sont aperçus que les récits qui sont cités dans le Coran ou dans le sunnah, ça arrivait vraiment. C'était la vérité. قال أمور ماضية سابقة لوقت التنزيل وأمور حاضرة وقعت أيام الرسالة وأمور مستقبلة لا تزال تحدث شيئا فشيئا. نعم. إما دي شوز باسي القرآن إنوزا الله سبحانه وتعالى إنوزا انفورمي دي شوز باسي أو سون ميساجي عليه الصلاة والسلام إما لو بريزون إما دون لو فيتور. قال موافقة مطابقة لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أخبر وهي غير محصورة في أنواعها فضلا عن أفرادها تستحق أن يصرف لها تصنيف مستقل. صحيح. الشيخ سعدي رحمه الله قال هنا أنا يا beaucoup d'exemples. On peut pas tous citer avec des choses que dans le Coran ou dans le Sunna ça a été informé que ça allait arriver, c'est vraiment arrivé. هذا يفضل un livre, écrire un livre que sur ce sujet. قال فكل واحد منها برهان ثم هو مع الثاني والثالث والرابع وما بعده براهين متعددة وكلها تضطر الناظر فيها إلى الاعتراف لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وأن جميع ما أخبر الله به وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا ريب فيه. نعم. فكم يد الشوز تدخل في القرآن وفي السنة أن الله سبحانه وتعالى مثلا سيمكن لدينه. هذا ça a été révélé fait le Coran. Alors qu'au départ, pendant cette révélation, l'islam, ça ne s'était pas encore propagé comme aujourd'hui. Ta'ammal aujourd'hui, walillahi alhamd. Anna hadha l'islam, dakhala fi kulli bayt. Pratiquement chaque foyer, il y a un musulman ou plusieurs musulmans. On ne parle pas inda al-muslimin. Inda al-muslimin, walillahi alhamd, c'est des croyants. On parle hatta inda a'da al-muslimin. Tu trouves un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui déteste l'islam, son enfant il se convertit. C'est une ayah min ayatillah. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر sur il a informé beaucoup de signes de la fin des temps. Beaucoup. مثلاً أن l'usure elle allait se propager, أن الزنا l'adultère elle allait se propager, la musique certaines personnes ils allaient rendre illicite. C'est exactement ce qu'on vit. Tout ça c'est des barahin et des ayat. لكن pour celui qui veut la vérité et pour celui qui médite. قال ومن ذلك تحدي الله لجميع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. كذلك هذا سن برهان عظيم أن الله سبحانه وتعالى تحدى أي il a mis au défi n'importe qui parmi les êtres humains ou les djinns de citer ou d'apporter un Coran comme ce Coran. قال واخبره انهم لن يستطيعوا ولن يستطيعوا ان ياتوا بمثله والتحدي قائم في كل وقت. Et cela depuis que le Coran il a été révélé au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, Quraysh n'ont pas pu, alors que c'était des faux sahaba, boulagha, ils maîtrisaient parfaitement la langue arabe. Ils étaient connus pour l'écriture, pour la poésie, ils n'ont pas réussi. Et هذا التحدي et il se défie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a pu écrire un livre comme ce Coran? bel une sourate comme ce Coran, abadan. Ça montre quoi? Ça montre que ce Coran, c'est la parole d'Allah. قال والعجز من الخلق ظاهر مع توفر دواعي الأعداء. Pourtant, et هذا c'est un tanbih muhim, les ennemis de l'islam, ils font tout pour critiquer ce Coran. Enfin, s'ils auraient pu apporter un Coran semblable ou montrer que ce Coran, c'est faux, ils l'auraient fait. Enfin, الدواعي موجودة, ils ont cette envie, لكن ils ne peuvent pas. أي, كما قال والعجز من الخلق ظاهر. العجز c'est l'incapacité, ils ne peuvent pas. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى أصدق قيل وأصدق حديث. الله سبحانه وتعالى c'est le حق. Si les amis ont des fils, c'est qu'ils ne pourront pas. عز وجل. قال وحرصهم الشديد على رد ما جاء به الرسول والقطع في رسالته. مع أنهم ils ont هذا الحرص الشديد. Les kuffars depuis l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام jusqu'à aujourd'hui, ils font tout pour essayer de montrer que l'islam c'est faux. Et plus ils font des efforts via Hada, plus les gens ils se convertissent. Vous avez remarqué, Hada, plus ils attaquent l'islam, plus des gens ils s'intéressent. Et quand une personne quelconque, elle s'intéresse, et si elle est véridique, même si cette personne c'est une kafira, mais cette personne elle est véridique dans sa recherche, et elle fait des études, en général, cette personne elle accepte la vérité. Qui c'est qui a guidé cette personne? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال وهذا برهان عظيم يضطر كل عاقل معه إنصاف أن يعترف بالحق الذي قامت البينات الظاهرة والدلالات الباهرة على الصدق على صدقه من كل وجه ولله الحمد. هنا on peut citer la parole de l'imam al-Kathir رحمه الله dans son tafsir. Il a cité le dalil على هذا البرهان من سورة البقرة. قال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. أي هذا سيبرهان الله سبحانه وتعالى لا سيدي. أي si vous avez des doutes مما نزلنا على عبدنا. أي si vous avez des doutes sur cette révélation que le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام il a reçu, أي القرآن, فأتوا بسورة من مثله. Apportez une sourate semblable. Alors que ceux qui ont été mis au défi à cette époque, quand le verset il a été révélé, c'est Kuffar Quraysh, des arabophones, qui maîtrisaient parfaitement la langue arabe et ils savaient très bien que malgré leurs efforts, ils n'auraient pas pu écrire une sourate comme le Coran. Certains, ils ont essayé et Fudihou, et ils ont été démasqués. C'est pour ça que certains, ils se sont convertis. Mais le Quraysh, quand ils ont écouté le Coran, ils ont su que ce n'était pas de la poésie. Ils ont su que ce n'était pas un être humain qui a écrit. Ils ont su directement avec cette éloquence et هذا الكلام العظيم que c'était la parole d'Allah عز وجل, ils se convertissaient. قال وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. Et si vous n'arrivez pas, ثم قال عز وجل ولن تفعلوا. Si vous n'arrivez pas, et vous n'arriverez jamais. Et même si vous essayez, vous n'arriverez jamais. ثم الله سبحانه وتعالى ذكرهم بالآخرة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تأملوا dans ces deux versets من سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى il a cité le Burhan. Cheikh Saadi l'a cité dans cette risala. Et une preuve rationnelle que réfléchissez, méditez sur ce Coran. Vous n'arrivez pas à citer des mêmes sourates. Donc c'est la parole d'Allah, fait réfléchissez. ثم الله سبحانه وتعالى ذكرهم بالآخرة. Et si vous ne pouvez pas et vous n'arriverez jamais, فاتقوا النار, craignez le feu. Et si vous ne croyez pas, vous ne vous soumettez pas, vous rentrerez au feu. التي وقودها الناس والحجارة. Les combustibles de ce feu, ça sera vous, أيها الكافرون. Ça sera les mécréants, les êtres humains, من الكفار qui rentreront, والحجارة et des pierres. أعدت للكافرين. Et ce châtiment, il a été préparé pour les kuffars. ثم قال l'imam al-Kathir رحمه الله وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن. أي هذا البرهان العظيم que الشيخ سعدي l'a cité. أي الله سبحانه وتعالى il a mis au défi الكفر de citer une sourate ou un Coran identique à ce Coran. الله سبحانه وتعالى il a cité هذا البرهان cette preuve dans plusieurs passages du Coran. Parmi ces passages, un verset fi sourate Al-Qasas, قال عز وجل, قل فأتوا بكتاب, قال قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما نعم أتبعه إن كنتم صادقين. Ça c'est من سورة القصص. وقال في سورة سبحان أي الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Même s'ils se rassemblaient tous, les djinns et les êtres humains, ils ne pourraient jamais apporter un Coran semblable à ce Coran. وقال في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala les a mis au défi d'apporter 10 sourates, 10 sourates comme celle du Coran. ثم dans سورة يونس قال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله. Et في سورة يونس الله سبحانه وتعالى قال une سورة apportez une سورة comme ce Coran فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. Tous ces versets, c'était la période mécoise. Vu que Kuffar Quraysh, ils n'ont pas accepté au départ le message du prophète alayhi salatu wasalam, à la période mécoise, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé tous ces versets. Vu que vous êtes arabophones, vu que vous prétendez que ce Coran, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a inventé, ou il l'a appris auprès d'un autre, Mouhim, pour eux, c'était la parole d'un être humain, Asatir ou l'Awwalin, c'était des contes, c'était des histoires, Allah subhanahu wa ta'ala tahaddahum. ثم قال ابن كثير رحمه الله ثم تحدهم الله تعالى بذلك أيضا في المدينة مم أمدين cette période quand le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait l'hijra قال عز وجل وإن كنتم في ريب أي le verset qu'on a lu من سورة البقرة فهذا البرهان c'est un برهان عظيم لمن تأمل pour celui qui a un cœur vivant فهذا البرهان كافي il est suffisant قال ومن براهين وحدانية الله وصدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الآثار الجليلة التي نشأت وترتبت على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى نصره الله سبحانه وتعالى lui a donné la victoire. تأملوا أن notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام il était seul. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Il n'avait plus de parents. Il était pauvre. وحده. Il a reçu le message au bout de quelques années, Al-Jazeera entière, ils sont rentrés fidèles à l'islam. Au bout de quelques années, les kuffars qui l'ont chassé de Mecca, la plupart, ou certains d'entre eux, ils sont rentrés fidèles à l'islam, d'autres, ils ont fui. Men Mekkanala, qui c'est qui lui a ouvert toutes ces portes? Qui c'est qui lui a facilité? Ses compagnons, radiyallahu anhum, en quelques années, Fatahud Dunya. L'islam, il est arrivé jusqu'en le côté de la Chine. Et à l'ouest, il est arrivé jusqu'au Maroc, jusqu'en Espagne, jusqu'en Europe. Naam, ils ont été bloqués par la mer, radiyallahu anhum. Ils auraient pu continuer. Bi-idhnillah, subhanah. Man fataha li haoula? Qui c'est qui a facilité à haoula? Qala fa'innahu ubu'itha fi ummatin ummiyah wal ard mamlou'a min al jahl wal shirk wal shurur al mutafaqima. Naam, allez. Quand le prophète Mohammed, alayhi sallallahu alayhi sallam, il a reçu le message, la terre, elle était dans cette situation. Ignorance, shirk, polythéisme, certains adoraient des pierres, d'autres des statues, il a akhiri, shurur, beaucoup de meurtres, beaucoup de guerres, beaucoup de zina, d'injustice. قال فهداهم الله به من الضلال وعلمهم به بعد الجهالة. Qui c'est qui a guidé tous ces cœurs? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال واستقامت اخلاقهم وصلحت اعمالهم. Ça nous montre que ce dîn, c'est la vérité. Celui qui connaissait la situation de l'Jazira, de la péninsule arabique avant l'islam, ثم la situation de la péninsule arabique après l'islam, il n'aura aucun doute que ce dîn, c'est la vérité. La situation mauvaise dans laquelle ils étaient, ثم la situation qu'ils ont vécu après l'islam, فهذا لا شك que c'est la vérité, هذا الدين. قال واستقامت اخلاقهم وصلحت اعمالهم وامتلأت الارض من الخير والهدى والصلاح وانتشرت الرحمه والعدل ثم به وتم به نعم تم بفتح التاء وتم به الفلاح والنجاح الرحمه la miséricorde s'est propagée la justice s'est propagée beaucoup de gens ils sont rentrés vidin illahi azza wa jal, pas parce qu'ils avaient peur ou la cause c'était le jihad. Là, la plupart ils sont rentrés limadha li'anna hadha al-burhan al-aqli, ils ont compris, ils ont réfléchi, ils ont vu que hadha l'islam c'était que du bien. À l'époque ils mangeaient de la bête morte, ils s'entretuaient, c'était de l'injustice pure. Al-Qawi, le fort, il faisait beaucoup de mal aux faibles. Ils ont vu hadha l'islam, le bien qu'il a apporté, ils se sont convertis. C'est pour ça que les athées d'aujourd'hui, ils doivent étudier l'islam, les fondements de l'islam, c'est quoi la religion de l'islam. Ils ne doivent pas, surtout pas regarder l'état de certains musulmans. Et là, on vit à une époque, certains musulmans, c'est des musulmans, mais ils ne représentent pas l'islam. Ben, ils contredisent l'islam dans beaucoup de choses. Et hadha, ça repousse certains. Alors que Al-Aqil, celui qui est objectif et qui est véridique, il étudie les fondements de la religion. Il ne regarde pas les partisans de cette religion. Naam, wa illa, ben, certains ils peuvent avoir des faiblesses, etc. قال وفتحت القلوب بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة والإيمان وأظهر الله دينه على السائر الأديان. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, en quelques années, ce din il a pris le dessus sur toutes les autres religions. Ila yawmina hadha. Ila yawmina hadha, wa illa ilhamd hadha din. C'est la religion qui a le plus d'adeptes, de plus de suiveurs. Amma din al-Yahoudia, ils sont très très peu les juifs. Les chrétiens, la plupart, ils ont délaissé leur din. Amma ceux qui s'accrochent à la religion, c'est les musulmans. C'est les musulmans et les koufars, ils le savent. C'est pour ça qu'ils les combattent nuit et jour. Les anahoum, ils savent très bien, avec la faiblesse des croyants aujourd'hui, la faiblesse des musulmans aujourd'hui, wallahi alhamd, hada din yantashir. Ils se propagent avec toutes les faiblesses qu'on a. Et ils le combattent nuit et jour et ils se propagent. Ils n'arrivent pas à l'arrêter. Ça montre quoi? Ça montre que c'est la religion de vérité. Qui c'est qui fait que cette religion elle se propage? C'est Rabbul Alamin. C'est le créateur Azza wa Jal. قال وزهق به كل باطل ومحال ولم يزل أهله ظاهرين على غيرهم حين كانوا مستمسكين به وقائمين حق القيام به. هذا ولم يزل أهله ظاهرين. Aïe, tant que les croyants, les musulmans, ils s'accrochaient à leur dîn, ils avaient le dessus, ظاهري. قال وقائمين حق القيام به. Et tant qu'ils donnaient de la valeur à leur religion, ils apprenaient les fondements, ils mettaient en application, ils suivaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient le dessus. قال حتى حصل الانحراف من أهله في العقائد والأخلاق والأعمال الدينية والدنيوية فزالت عنهم بذلك آثاره الجليلة وتبدلوا بأضدادها. لكن quand les musulmans ils ont commencé à délaisser une partie de leur dîn, à faire des concessions, à délaisser le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé à être, ils se sont fait rabaisser par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا ça nous montre ماذا? Ça nous montre un si les croyants ils s'accrocheraient vraiment à leur dîn, ils arrêteraient d'imiter les ennemis de cette religion et suivraient le prophète Mohammed en quelques années, quelques générations, et vous verrez que l'islam il se propagera très très vite comme il s'est propagé au départ. لماذا لأن الله عز وجل قال إن تنصروا الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لأن الله سبحانه وتعالى il est juste, il a créé les choses avec des causes. Si on veut que cette religion se propage, on doit s'accrocher. Intansurullahi yansurkum. On secourt la religion d'Allah Azza wa Jalla, on fait des efforts, Allah il nous secourra. قال أفليس في هذا أكبر برهان على أن هذه الشريعة شرعها العزيز الحكيم ونصرها الرب العظيم. Ça montre quoi? Ça montre que Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est lui qui a révélé ce din. C'est lui qui secourt les croyants. وأن الخير كله ملازم لها وتابع لتعاليمها وأخلاقها. أن tout le bien il réside dans cette religion. وأنها تنزيل من حكيم حميد. وأن أخبارها كلها صادقة تشهد العقول بصدقها. ولم يأتي منها خبر واحد صحيح يناقض الواقع ويخالف المحسوس. C'est pour ça que notre din, tu prends n'importe quel texte, il ne contredit pas la raison saine. Et al-waqi'. Al-waqi' c'est ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Il n'y a aucune contradiction. La contradiction, elle est dans l'être humain. La contradiction, c'est l'être humain qui ne comprend pas les textes ou qui ne suit pas un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, il trouvera ou il se contredira. قال فإنها لا تأتي بما تحيله العقول وربما أتت بما ت تحار فيه العقول ولا تهتدي إليه، لأن في الشريعة من التفاصيل العظيمة الخبرية والحكمية ما لا تصل إليه عقول العقلاء ولا تهتدي إليه فتنة الفطناء. هذا الدين contredit en rien la raison. Même si certaines choses, الإنسان il arrive pas à comprendre certaines حكم أو ما تقدم معنا من كيفية الصفات أو أمور الغيب، فهذا ربما الإنسان لا يتصوره صنع عقل. وإلا فالشرائع tout ce qui est lié aux adorations, aux comportements إلى آخره، ça contredit en rien la raison أبدا. بل قال ولم يأتي علم صحيح أو نظرية صادقة متفق عليها بين العقلاء تناقض ما جاء به الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، c'est pour ça que العقول السليمة، les doués de raison, ils s'aperçoivent très très vite que la religion de notre prophète Mohammed elle contredit en rien le bien-être des êtres humains. Abadan. Belle, c'est pour leur bien-être. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appelé qu'au bien. Et il nous a mis en garde contre le mal. Comme il y a dans le hadith. قال وهل في البراهين اليقينية أعظم من هذا البرهان وأوضح من هذا البيان وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا قال صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها وشرائعها. Tout ce que notre dîn nous a informé, que ce soit في القرآن، الله سبحانه وتعالى nous a informé في القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم dans السنة، c'est la vérité. قال عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا، أي la parole d'Allah سبحانه وتعالى c'est la vérité. وعدلا أي في الأحكام. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné ou interdit, ou il a révélé à son prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam comme interdiction ou obligation, c'est juste, c'est la justice. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit le vol, le mensonge, l'injustice, adorer autre que lui subhanahu, de faire du mal à nos voisins et à l'akhir, tout ça c'est min bab al-adl. C'est pour ça que le kafir, l'athée, s'il est objectif et véridique, il acceptera ça. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, ici-bas et dans l'au-delà. Fahada, c'est un burhan azim. Et il l'a détaillé akthar, rahimahullah, dans le chapitre suivant qu'on essaiera de lire à partir de demain. Incha'Allah ta'ala. Wa nas'aluhu subhanahu al-tawfiq wa sadad wa thabat. Innahu waliyu dhalik wa al-qadiru alayh. Wa naktafi bihada. والحمد لله رب العالمين.